Un viaduc dans son ciel, la Loire comme berceau, une ancienne papeterie, de drôles de personnages, plusieurs ponts, quelques maisons, l'ancien café Mourier, l'ancienne école, pont de Lignon, un croisement entre la Loire et le Lignon, un croisement entre des petites et des grandes histoires, pont de Lignon, PDL, les pieds dans l'eau. À la fois des ponts sur le Lignon et des ponts sur la Loire. Le pont suspendu, il est sur la Loire. Mais les autres ponts, il y en a deux ponts. Mais les bords de Loire, comme tu leur dis, les gens qui habitent dans la Haute-Loire, par exemple, ils pensent que tu habites vers Nantes. Ah ouais, ouais. C'est classique. Ils disent, oh, mais vous venez de loin. Voilà, tu connais la source. Mais on n'est quand même pas hyper à la source. On n'est pas loin. Pas on trop loin. Ça les aide à comprendre. Franchement, là où le Lignon se jette dans la Loire. Le Lignon est la source de ce village. Ici, l'usine de Pont de Lignon a été construite grâce au Lignon parce que l'eau du Lignon a des qualités que n'a pas l'eau de la Loire. J'aime bien la Loire. La Loire et le Lignon. Le Lignon, c'est une rivière également un peu sauvage aussi. Hein. On est dans un coin peu sauvage. C'est toi qui disais que la source de la Loire, c'est un abreuvoir pour les vaches. C'est Gerbigeon. Ouais. Ils y vendent des cierges? Non, je crois pas que ce soit religieux, la Loire. La Loire est un fleuve qui héberge pas mal d'animaux. Tous les matins, quand je me réveille, il y a des canards qui planent au-dessus de l'eau. Il y a des hérons et je crois bien même des mouettes, toutes blanches avec les ailes un peu grises. On a vu également de mon canapé, puisque j'ai la vue sur la Loire. Deux biches qui s'abreuvaient, qui ont été perturbées par des canoës. Ça doit être des professionnels du canoë, parce qu'on est en plein hiver. Beaucoup d'humidité. L'air ambiant est chargé. Ici, le climat, ça me rappelle Londres. Londres? C'est triste un peu, du coup. C'est beaucoup London fog. Non, c'est pas triste du tout, mais ça fait une ambiance de suspense. Votre grand-père qui a construit la maison. Donc c'était un café-restaurant, c'est ça? Oui, oui. Et vous disiez qu'il pêchait... Ah oui, oui. Alors c'était friture à toute heure. Ah ouais. Il empêchait l'épervier à l'époque. Vous savez ce que c'est? C'est un filet. Ouais, ouais. Alors il avait des gens qui venaient, on veut manger une friture, tout de suite, il allait... Et beaucoup, beaucoup de poissons. Et ben, il y avait toutes sortes de poissons. Et puis alors voilà, des fritures aussi. Alors les gens qui voulaient de la friture, ils pêchaient la friture. Tout de suite, il a attrapé plein. La Loire, tous les matins, quand je me réveille, j'entends son bruit, qui est un peu faussé un peu par le viaduc, là, entre les deux là. L'écoulement de l'eau, ça nettoie les oreilles. La vue de l'eau, ça nettoie les yeux. C'est comme le feu. Et puis, mon cœur, il palpite tout le temps. Quand je me réveille le matin, c'est très beau. Ah oui, alors là, mon père avait fait une chose. Il avait une barque. Tout le monde avait une barque. Et on embarquait tout le monde dans la barque, les chèvres. Et ma mère aussi y allait. Et puis on les menait le matin, on allait les chercher le soir. Et le soir, on revenait au bord de l'eau pour rentrer à la maison. Et elles n'avaient pas peur sur la barque, les chèvres? Et on avait un chien, il gardait les chèvres. Mais je ne sais pas s'il restait dans l'île, lui, je ne sais pas. Je me souviens, j'étais toute jeune, j'avais 3-4 ans, je ne sais pas à peu près. Le directeur est venu tous les jours, j'étais timide. Mais un beau jour, je me suis placée près de la porte et je lui ai crié « Bonjour, monsieur Mounet !» Il n'en revenait pas. J'avais pris mon courage à deux mains. Et cette usine a été construite dans les années 1900. Il a été fabriqué du papier de 1900 à 1914, jusqu'à la guerre de 1914. Il y a eu un arrêt pendant la guerre. Dans les premières années, on a fabriqué du papier à partir de chiffons, à partir de fibres nécessaires pour le papier. Tandis qu'après, l'activité a été de transformer le papier reçu par ailleurs par les grandes papeteries qui sont sur sur les régions de l'Isère, on recevait le papier de là-bas et on le transformait, en particulier en le couchant. On pompait l'eau directement dans le lignon et était filtré dans des bassins. Et après, ils étaient projetés dans des cuves qui sont sous les toits de la papeterie. Les bassins existent toujours et ça permettait d'avoir l'eau courante pour les ouvriers. Ils avaient toujours de l'eau courante. Il y avait qu'à eau, puisqu'ils descendaient par gravité. Mais c'était la cour de l'école, là. Et alors, quand c'était, il y avait une inondation, ben, ils n'allaient pas. Parce qu'il y avait des barrières au début. Ils avaient bien fait bien les choses avec des barrières, mais l'eau les emportait tout de suite. Et oui, parce que c'est sur un terrain inondable. Et ça, votre grand-père, il le savait avant de construire les la personnes maison. Les personnes âgées lui avaient prévenu, tu vas voir, tu seras inondé. Oh non, non, elle est loin, il a bien été inondé. Et je crois que c'est en 1907, la première fois qu'il a été inondé. L'eau est rentrée dans la maison. Et à l'époque, il tenait un café et il avait un billard, vous savez ce que c'est. Et le billard, il nageait, là. Il était désespéré. Oh, la crue. La crue, ça a commencé par de la boue. Elle était remplie de boue, la Loire. Et elle montait à toute allure. Et ça entraînait des troncs d'arbres. C'était terrible. Ça faisait peur, moi. Ça m'a fait peur, moi. Juju et toute son équipe, ils étaient excités. Moi, j'avais peur. Vraiment, j'ai eu vraiment peur. Je voulais pas descendre. Voir Juju. Bah, ça nous emporte, quoi. Je trouve qu'elle elle a fait les constructions, les ponts, tout ça. Mais aussi, comment quand elle sort et qu'elle... Enfin, là, par exemple, les bords de Loire actuellement, en face, tu reconnais plus l'été dernier, comme c'était la petite plage. Là, ça ressemble pas du tout à la même chose. Elle est impressionnante, la Loire. Quand elle sort de son lit, elle emporte tout. C'est impressionnant.